Exercice 12, page 165. C'est un de ses parcours préférés. Plat, paisible, ombragé par endroits. Il pourrait passer des heures ainsi, le corps en mouvement, plongé dans ses pensées.